Bien, merci infiniment à Philippe de cette très belle communication aussi, qui, je pense, suscitera des questions. Alors, nous sommes pressés ce matin, comme vous le savez, et je voudrais introduire tout de suite la troisième communication de la première partie de cette matinée, et qui va être donnée par Madame Aurélie Bonnefoy-Luquéry. Madame Aurélie Bonnefoy-Luquéry nous vient de Montpellier 3. Elle est doctorante, et nous la remercions de venir en tant que doctorante. La place est ouverte dans ce type de colloque pour les nouveaux chercheurs qui font actuellement leurs preuves, sous la direction de notre ami Christian Belin, grand spécialiste actuel de la spiritualité française au XVIIe siècle. Madame Bonnefoy-Luquéry travaille sur Talmant des Réaux, auteur passionnant aussi, peut-être pas suffisamment exploré. Elle a mené des recherches aussi sur la correspondance de Madame de Maintenon, sur les espaces de l'intimité chez Madame de Sévigné. Que de recommandations pour parler de son sujet, c'est-à-dire la Madame, hein, désordre et divertissement, les excès de langage chez Madame. Nous vous écoutons. Je vous remercie. Vous m'entendez bien ? Bon, je voudrais déjà remercier Madame Mouquin et Monsieur Hersant de m'avoir conviée pour cette journée. C'est avec grand plaisir que je suis parmi vous. Il y a un pays où les joies sont visibles, mais fausses, et les chagrins cachés, mais réels. Qui croirait que l'empressement pour les spectacles, que les éclats et les applaudissements au théâtre de Molière et d'Arlequin, les repas, la chasse, les ballets, les carrousels couvrissent tant d'inquiétudes, de soins et de divers intérêts, tant de craintes et d'espérances, des passions si vives et des affaires si sérieuses. La Bruyère dévoile dans ce fragment l'ambivalence profonde qui anime la cour, monde qui accumule les distractions, mais monde d'illusions, d'apparences, de mensonges où spectacle et refoulement ont partie liée. Le moraliste révèle ainsi la fonction profonde du divertissement, détourner l'esprit de ses mouvements violents, obturer l'expression des passions, ces perturbations néfastes qui nuisent à l'ordre de l'âme et du royaume. Les spectacles et les modèles de sociabilité qu'ils diffusent contribuent en effet à la confiscation de la violence de l'individu par l'État centralisateur. À cet égard, les bienséances et la politesse constituent les éléments centraux du processus de civilisation mis en évidence par Norbert Elias dans la société de cour. Spectacle, pouvoir, passion et langage entretiennent des relations complexes que la vision profonde de Saint-Simon ne manque pas de mettre en lumière. En témoignent deux épisodes savoureux des mémoires, distants de 9 ans, mais indissociablement liés. L'annonce du mariage du duc de Chartres, fils de Monsieur et de Madame Palatine, avec une bâtarde de Louis XIV et de Madame de Montespan, dans la chronique de 1692. Puis la réconciliation de Madame Palatine et de Madame de Maintenon, qui constitue le dénouement de ce véritable drame familial, nous allons le voir dans la chronique de 1701, même juin 1701. Remarquons que la position de Saint-Simon à l'égard des deux femmes est ambivalente. S'il admire l'assaise, l'art de se taire, comme vous vouliez le dire, l'assaise de la parole de Madame de Maintenon et la maîtrise royale du langage dont elle fait preuve, qualités qui font d'elle une personne polie, affable, je cite, « avec un langage doux, juste, en bons termes et naturellement éloquent et court ». Le mémorialiste l'arrange aussi parmi les mauvais, comme l'explique Marc Hersant dans sa thèse, dans la mesure où elle occupe une place dans le monde social qu'elle ne devrait pas occuper. La princesse Palatine, quant à elle, de haute naissance, bénéficie toujours in fine du regard indulgent de Saint-Simon, qui comprend ses excès autant qu'il les goûte et les réprouve, même si personne n'échappe réellement à la haine géniale et impitoyable du voyeur clandestin. Sous sa plume, l'expression des passions, qui se traduit toujours par des excès de langage, se trouve présentée tantôt comme un manquement ridicule et grotesque, tantôt comme l'expression d'une sensibilité légitime. Nous verrons donc que les excès de langage de ces deux moments forts des mémoires voient s'affronter deux conceptions des passions radicalement différentes. Donc, avant d'entrer de plein pied dans ce drame familial, il n'est pas inutile de rappeler la haine légendaire que Madame Palatine voue à Madame de Maintenon et les noms d'oiseaux dont elle l'affuble. Alors, simplement à titre d'exemple, ripopée, donc c'est un vieux les fonds de toutes les vieilles bouteilles, vieille guenipe, donc la guenipe c'est une femme, une prostituée finalement des bas-fonds. vieille ordure aussi, voilà, bon, je ne vous les cite pas tous. Donc l'inclination qu'Élisabeth Charlotte portait à Louis XIV est évidemment l'une des raisons de son hostilité. Mais la différence de leurs origines respectives, puis l'épisode du mariage indigne, sont aussi des clés de compréhension de leur inimitié. Parmi les portables admirables et féroces de Saint-Simon, celui de la Palatine la dessine en étrangère, trop, je cite, « franche, droite, bonne et bienfaisante », pour parler le langage de la cour où il faut être maître de soi, déguiser ses passions et démentir son cœur. La maîtrise des affects, qui passe par la maîtrise et le travestissement de la parole, apparaît donc comme un préalable incontournable pour évoluer dans le monde de la cour. Madame de Maintenon, devient la seconde épouse morganatique du roi Soleil grâce à son esprit qui a, je cite, « toujours gardé la teinture de la belle galanterie », nous dit Saint-Simon, et grâce à son sens profond de l'aptum, cet art d'agir selon les convenances dont nous verrons les effets dans la seconde partie. Je crois qu'on peut tout de même noter, pour clore leur très rapide portrait, que ces deux dames sont, malgré leur très grande différence, deux égarées dans la géographie de la cour, l'une par sa nature, l'autre par ses origines. J'en viens maintenant à la première scène que je me propose d'étudier, le mariage du duc de Chartres avec Mademoiselle de Blois, qui ouvre la chronique de 1692. Donc, ce projet imposé par le roi et Madame de Maintenon dresse un abîme de rancune et d'hostilité entre les deux femmes, parce que Madame Palatine tient Madame de Maintenon pour l'instigatrice de ce mariage, donc qui est un mariage indigne de son fils avec une bâtarde de Louis XIV. Donc cet épisode va marquer durablement les esprits de la cour et celui de Saint-Simon, qui ne boude pas son plaisir lorsqu'il est le témoin de tels événements sensationnels. Le mémorialiste, duc et père, à l'unisson avec monsieur et madame, désapprouve, donc comme je viens de le dire, ce mariage d'un prince du sang avec une bâtarde, fut-elle royale. Louis XIV, quant à lui, poursuit son entreprise d'avilissement des princes. Saint-Simon nous dit même qu'il roulait finalement ce projet depuis 4 ans, et Madame de Maintenon ne songe qu'à les élever de plus en plus, donc élever ces bâtards dont elle a eu la charge puisqu'elle a été leur gouvernante dans le plus grand secret jusqu'à leur établissement en 1673 à la cour. Donc résumons rapidement les intrigues qui ont eu lieu dans les coulisses de ce mariage. Donc pour fléchir son frère, Louis XIV fait appel à l'amant favori de monsieur, le duc de Lorraine, puisqu'on sait que le goût de monsieur n'était pas celui des femmes. Et ce favori fait lui-même appel à Dubois pour, je cite, « gagner le consentement de monsieur de Chartres ». Aussitôt, ces deux obstacles vaincus, on fait chercher madame. À son arrivée, le roi prend sa belle-sœur de cour et ne lui laisse pas le temps de parler. Donc, finalement, la réussite de cette affaire repose beaucoup sur une question de tempo. Saint-Simon relate que, je cite, « d'entrée, il dit qu'il comptait bien qu'elle ne voudrait pas s'opposer à une affaire que monsieur désirait et que monsieur de Chartres y consentait ». L'air imposant, souligné par le mémorialiste, la brièveté des paroles du monarque et la surprise de madame qui comptait sur le refus de son fils, retirent toute possibilité de refus et donc de parole à madame Palatine qui se trouva, je cite, « prise et muette ». L'ellipse révèle la soudaineté de la stupeur de la princesse qui se voit simultanément prise au dépourvu, prise de court et prise au piège. Cette accumulation d'émotions altère chez elle la fonction du langage au point qu'elle en perd l'usage de la parole. Quand on sait que la vie de cour repose sur le primat de l'apparence et le brillant de la conversation, on mesure l'écart qui sépare la Palatine de la norme. Devant cette cuisante défaite, elle ne peut que battre en retraite, comme le raconte le mémorialiste. Elle lança 2 regards furieux à monsieur de Chartres, dit que, puisqu'il le voulait bien, elle n'avait rien à y dire, fit une courte révérence et s'en alla chez elle. Monsieur son fils l'y suivit incontinent, auquel, sans donner le moment de lui dire comment la chose s'était passée, elle chantapouille avec un torrent de larmes et le chassa de chez elle. Donc après avoir chassé son fils sans ménagement, elle chasse son époux. En lieu et place d'un sursaut salvateur où madame reprendrait le contrôle de soi pour sauver les apparences, comme tout bon courtisan chercherait à le faire, nous voyons la Palatine fulminée et loin de dissimuler ou de réprimer sa fureur, la laisser transparaître. Ses réactions sont aux antipodes de la bienséance fondée sur l'idéal de civilité, diffusée au début du siècle par Nicolas Faré dans « L'honnête homme ou l'art de plaire à la cour » et avant lui par le Cortegiano de Castiglione. Il suffit pour s'en rendre compte d'écouter les conseils avisés du chevalier de Méret, professeur de bienséance. La joie honnête et spirituelle se fait aimer et l'humeur âpre et grondeuse est en aversion. La colère ne sied pas mal lorsqu'elle est raisonnable et proportionnée au sujet qu'on a de s'emporter. Mais le chagrin, c'est-à-dire la tristesse et la colère, quand elles sont ensemble, ne produisent rien d'agréable. La palatine, nous le voyons, constitue le négatif parfait de l'honnêteté dans un univers où il importe de n'engager que le meilleur de soi. Et un univers qui insiste sur la retenue en inscrivant l'usage des larmes au sein d'une pratique esthétique de la modération, comme l'analyse Lucie Desjardins. À cet égard, le torrent de larmes hyperbolique versé par la palatine souligne un excès pathétique et désordonné, tout à fait incongru, qui aurait trouvé sa juste expression dans le principe de la litote, figure, comme nous le savons, emblématique de l'esthétique classique. En présentant l'expression de la colère de la palatine comme un excès, Saint-Simon rejoint la conception d'inspiration stoïcienne de la passion comme perturbatio animi, éminemment néfaste à la quiétude de l'âme, à tel point que le langage s'en trouve affecté. En effet, le langage, qui se définit par une architecture ordonnée de mots distincts, se situe donc du côté de la raison et de l'ordre. Or, le langage de la palatine, cédant sous la violence de la passion, se mue en une masse fluide, ininterrompue et impétueuse pour signifier, par-delà l'interdiction tacite d'exprimer tout désaccord, la colère suscitée par une décision jugée scandaleuse. C'est bien parce que l'émotion se voit empêchée, réprimée par l'autorité royale, qu'elle enfle. De même, l'expression « chantepouille » souligne l'égarement de « madame » qui se répand en injures, même si cet éclat a lieu dans la sphère privée, mais y a-t-il un seul endroit véritablement privé à Versailles ? Or, un langage qui s'égare est un langage qui égare une partie de ses propriétés. La structure et l'ordre sont dissous dans et par l'émotion, et cette démesure éclate dans l'écriture saint-simonienne lors de la comparaison avec Cérès, déesse de la terre, et nous savons que le monde des dieux est celui de la démesure. En effet, le soir même après la déclaration publique du mariage, Saint-Simon nous offre l'image de Madame qui se promène dans la galerie, la grande galerie, frappée d'un égarement, d'un trouble qui semble proche de la folie. Elle marchait à grands pas, son mouchoir à la main, pleurant sans contrainte, parlant assez haut, gesticulant et représentant bien Cérès après l'enlèvement de sa fille Proserpine, la cherchant en fureur et la redemandant à Jupiter. Les grands pas, les grands gestes, l'absence de retenue dans les larmes et la voix trop forte traduisent l'agitation extrême, le désordre émotionnel sur lesquels Madame n'exerce aucun contrôle. Elle persiste à adopter une attitude contraire à celle du courtisan qui est maître de son geste, de ses yeux, de son visage. Saint-Simon exhibe cette sortie du monde civilisé en employant le substantif « fureur » et ce faisant souligne que Madame adopte un comportement étranger à la raison, un comportement qui rappelle la férocité instinctive de l'animal. La précision donnée par le mémorialiste dans les additions est à ce titre exemplaire. Il écrit que Madame, je cite, « parut à la fin de l'appartement comme une lionne à qui l'on arrache ses petits ». Mais le substantif « fureur » est aussi profondément lié à la tragédie et à Dionysos, le dieu de l'ivresse, du théâtre, et maître des ménades. Pour un peu, le lecteur croit avoir l'impression d'assister sur la page saint-simonienne à la naissance de la tragédie d'après Nietzsche, d'autant que Louis XIV se plaît à se figurer dans son palais en Apollon. Or, la scène décrite par Saint-Simon prend le contre-pied de cette esthétique. Non seulement parce que la palatine incarne cette tendance dionysiaque à la démesure qui s'oppose à l'ordre et à l'harmonie apollinien, mais plus subtilement, parce que Louis XIV y apparaît en creux sous le visage terrifiant et infernal de Pluton, le dieu des enfers qui enlève sa progéniture à Cérès et plonge la terre dans le chaos. Loin de régir le monde civilisé, le monarque est de fait désigné silencieusement par Saint-Simon comme l'origine du désordre parce qu'il s'ingénie à faire descendre les princes du sang aux enfers de la bâtardise. Et cet avilissement constitue une véritable tragédie pour la grande noblesse et, d'après Saint-Simon, une menace pour la monarchie elle-même. Il y a de surcroît dans ce récit une véritable solitude de Madame Palatine, abandonnée par son époux et son fils. Elle se retrouve le jouet du roi et de ses manœuvres, sans possibilité de réaction. C'est du moins ce qu'induit Saint-Simon dans l'agencement de son récit. L'ensemble de la cour est traversé par la même consternation, nous dit Saint-Simon, que la princesse, et malgré cette vive émotion, et peut-être surtout pour cette raison, Louis XIV maintient l'ordre de son ordinaire, ce que Saint-Simon appelle souvent sa mécanique, donc son emploi du temps réglé. Le récit du souper du roi prend alors des allures de comédie. Les courtisans, et par le génie de Saint-Simon le lecteur, assistent alors à une incroyable scène de mime. Je remarquai que le roi offrit à madame presque de tous les plats qui étaient devant lui, et qu'elle les refusa tous d'un air de brusquerie, qui jusqu'au bout ne rebuta point l'air d'attention et de politesse du roi pour elle. Il fut encore remarqué qu'au sortir de table et à la fin de ce cercle, debout d'un moment, dans la chambre du roi, il fit à madame une révérence très marquée et basse, pendant laquelle elle fit une pirouette si juste que le roi, en se relevant, ne trouva plus que son dos et avançait d'un pas vers la porte. La pantomime dépeinte par Saint-Simon semble appartenir à une scène de tragédie domestique. Tous les ingrédients sont à cet égard réunis, des personnages nobles présentés dans leur vie privée, une scène digne d'un tableau et des ressorts pathétiques qui font appel à l'émotion du public. Il y a en outre une certaine universalité dans le tableau présenté, tant dans sa matière, une querelle familiale, que dans le jeu muet des personnages. Ce ballet décor, cette chorégraphie, offre un moment de comique. Je crois même que vous aviez parlé de pantomime sur une trajectoire allant de Saint-Simon à Charlot, quelque chose comme ça. Donc à chaque geste d'amabilité du monarque qui lui offre tous les plats, madame répond par ses refus, donc d'un air de brusquerie. L'opposition entre l'attitude polie et attentive du monarque et celle de madame accentue la dimension irrévérencieuse des réactions de la palatine qui persiste à s'écarter du chemin, des chemins balisés par les codes de l'étiquette. À ce titre, la révérence due au roi se dégrade en pirouette. Simple figure de danseuse, et l'on connaît la stature imposante de la princesse d'origine bavaroise, à moins que ce ne soit une métaphore équestre dont l'incongruité dans une situation de cérémoniale viendrait refléter l'attitude cavalière de la palatine. Difficile de trancher, mais ce qui est certain, c'est que cette pirouette est le point central autour duquel tourne tout le comique de la scène. Conséquence de cette pirouette si juste, je cite à nouveau le roi en se relevant, ne trouva plus que son dos et avançait d'un pas vers la porte. L'ellipse, particulièrement expressive, marque la hâte avec laquelle Madame tourne le dos à Sa Majesté, témoignant ouvertement à celui-ci sa réprobation envers toute cette affaire, ourdie justement dans son dos. D'autant que la phrase qui fonctionne jusque-là sur un rythme ample vient se briser sur cette ellipse, comme le monarque se heurte au peu d'aménité de sa belle-sœur. Dans ce premier épisode, auquel Saint-Simon assiste en spectateur passionné et indigné, nous ne discernons qu'à peine la voix tout en retenue de Madame de Maintenon, abritée derrière la figure royale, dont Saint-Simon loue la majesté effrayante si naturelle. Aussi le mémorialiste représente-t-il la presque reine avec Mademoiselle de Blois, tremblante sur ses genoux, s'abstenant de dire un seul mot. Les réflexions que Madame de Maintenon fait dans ses lettres à propos de cet épisode la situent clairement du côté de l'ordre établi. Elle dit notamment que dans cette affaire, chacun fait son devoir et elle aimerait ramener Madame à la raison. Enfin, le lendemain, Saint-Simon est présent pour le coup d'éclat final. Madame donne un soufflet à son fils dans la galerie. L'égarement atteint son paroxysme, toutes les règles de courtoisie et de civilité instaurées pour tenir en bride les pulsions violentes se voient balayées d'un revers de la main par madame. Cette gifle sonore et magistrale donnée dans l'espace public valait bien l'attente, selon l'expression convenue même, elle amuse la galerie. Saint-Simon écrit d'ailleurs que ce moment d'égarement comble, je cite, les spectateurs, il dit d'ailleurs dont j'étais, d'un prodigieux étonnement. Dans un lieu où toutes les journées sont régies par l'étiquette et la rigoureuse mécanique de cour. À cet égard, la petite phrase du mémorialiste qui introduit l'épisode sonne comme un discours de la méthode de notre voyeur. Comme je jugeais bien que les scènes seraient fortes, la curiosité me rendit fort attentif et assidu. Saint-Simon ouvre ici la fabrique de son œuvre et nous montre la quête de la matière des mémoires repose sur, nous dit-il, l'art de garder les yeux ouverts, sur la moindre chose qui peut transpirer. Transpirer, c'est d'ailleurs un mot qu'il emploie. Cette véritable concupiscence des yeux ne se réduit pas au plaisir du spectacle, la libido spectandi, mais fonctionne en duo avec l'insatiable désir de connaissance, la libido scandi, qui s'exerce chez lui à plaisir. Ces éléments montrent bien qu'excès et divertissement sont indissociables, parce que l'esthétique de mesure et d'harmonie appliquée aux rapports humains affadit le quotidien et nécessite un refoulement des pulsions si importants qu'il dévitalise les acteurs. C'est à ce titre que les excès de Madame, qui refuse de se conformer entièrement à cet idéal de retenue, deviennent le sel de la cour, conférant une véritable saveur à cette vie réglée et au récit du mémorialiste qui se délecte de ses coups d'éclat. On ne peut conclure sur la fonction hautement divertissante de ces excès sans parler de la fonction cathartique que l'hubris de Madame ne manque pas d'exercer sur les spectateurs. De fait, personne n'ose signifier la moindre once de désapprobation face à la souillure que représente ce mariage pour le sang des princes. Comment la cour et Saint-Simon, parcourus d'une indignation générale, ne se réjouiraient-ils pas que la palatine brave tous les interdits pour exprimer une agressivité perçue par tous comme légitime, purgeant ainsi la communauté de ses passions refoulées. Passion de l'irascible, dont on peut noter que Saint-Simon se purge une seconde fois par le truchement de l'écriture pour notre plus grand plaisir. Donc ces excès, véritables grains de sel, qui relèvent la saveur du quotidien et du récit de l'histoire, sont aussi des grains de sable qui enrayent la mécanique de cour et menacent l'édifice construit par le roi, puisque la société repose entièrement sur le respect de la hiérarchie. Enfreindre les codes, c'est menacer la structure tout entière. Loin de s'éroder au fil du temps, ces grains cristallisent et les paroles gelées sont enfouies et demeurent dans le silence et l'amertume des cœurs. Après ce coup d'éclat, les excès de Madame rentrent dans l'ordre. Louis XIV, sous son masque jupitérien, les a foulés aux pieds et réussit à imposer le partage de Philippe de Chartres-Proserpine. Le mariage a lieu en février. Mais la famille royale est assise sur un volcan. L'éruption se produit près de 9 ans plus tard, lorsque Louis XIV reproche à son frère les égarements du cœur de son fils qui méprise et trompe Mademoiselle de Blois. C'en est trop pour monsieur. L'écorce de civilité et de loyauté fraternelle éclate, Philippe s'emporte et Saint-Simon écrit qu'il, je cite, « rompt la gourmette qui tenait sa fureur en bride ». Nouvelle métaphore équestre qui vient signifier la rupture des conventions, il s'agit même ici d'une révolution, parce que monsieur se montre habituellement tout à fait soumis vis-à-vis de son frère. Donc vous allez voir pourquoi j'arrive, cet épisode en fait un préalable l'épisode qui précède le second épisode que je vais analyser. Donc après cette violente dispute, monsieur quitte le cabinet royal et meurt d'apoplexie le lendemain. Presque 10 ans après la fureur égarée de madame, Saint-Simon montre monsieur parvenant à témoigner son refus du mariage indigne de son fils. Et ce moment d'égarement avec son frère, qui est aussi un instant de lucidité avec soi, un instant où monsieur est fidèle à sa nature, finalement, semble lui coûter la vie. Dans l'agencement des faits du récit, Saint-Simon implique une chaîne de causalité entre l'emportement de monsieur et le récit de sa mort qui lui succède immédiatement. Dans les mémoires dont l'entreprise affirmée est de découvrir l'origine des faits, je cite, les causes, leur suite, leur liaison, le mariage du duc de Chartres, véritable casus belli dans la famille royale, devient alors subitement causa mortis. En outre, la mort de monsieur met madame dans une situation embarrassante. Elle risque, je cite, sa perte et sa chute. Elle craint en effet de finir ses jours dans un couvent ou dans l'habitation de Montargis. Madame Palatine opte alors pour un revirement de tactique avec madame de Maintenon, son ennemie jurée, et se décide à la recevoir chez elle pour entamer une réconciliation. Ironie du sort donc, puisque le mariage qui a entériné la haine entre Madame Palatine et Madame de Maintenon génère aussi par ses conséquences fatales leur raccommodement. Saint-Simon, en espion sublime pour reprendre la formule d'André Lebois, connaît les moindres détails de cette rencontre par le truchement des deux confidentes de Madame, la maréchale de Clérambault et Lydie de Théobon-Beuvron. Dans le second épisode, nous allons cette fois-ci découvrir la maîtrise du langage de Madame de Maintenon, parfaite en tout point, devant les réactions déconcertées et confuses de Madame, qui perd une nouvelle fois la bataille à cause de ses excès de langage. La volonté de concorde de la princesse Palatine se manifeste d'emblée lorsque, je cite, « Madame fit asseoir Madame de Maintenon, et il fallait pour cela qu'elle en sentît tout le besoin. L'étiquette est en effet très stricte à la cour, notamment pour le droit de s'asseoir. Mais la situation de Madame de Maintenon est singulière, et Saint-Simon l'évoque dans la chronique de 1715. par un chiasme, reine en particulier, nous dit-il, particulière au dehors, puisqu'elle est la presque reine, l'épouse de Louis XIV, mais ce mariage est secret et n'est pas rendu public, ce qui fait que finalement, dans la sphère publique, elle se place, elle est toujours située aux dernières places. Et elle fait figure de petite marquise s'effaçant devant les dames les plus titrées. Donc le jour de la rencontre dans son cabinet, Madame Palatine a donc bien conscience de la fragilité de sa position et ménage son adversaire en la mettant sur un pied d'égalité avec elle. Mais ce n'est que pour mieux introduire ses reproches. Madame Palatine entra aussitôt en matière sur l'indifférence avec laquelle le roi l'avait traitée pendant toute sa maladie, et Madame de Maintenon la laissa dire tout ce qu'elle voulut. La périphrase verbale tolérative choisie par Saint-Simon suggère que Madame de Maintenon accepte les plaintes de la Palatine de manière volontaire. Il est remarquable de constater que dès le début de l'entretien, la force de la presque reine réside dans sa retenue. Cette maîtrise parfaite de son langage dénote non pas une soumission, mais l'exercice d'une stratégie bien établie, comme le dévoile la suite de l'entretien. Madame de Maintenon lui répondit que le roi lui avait ordonné de lui dire que leur perte commune effaçait tout dans son cœur, pourvu que dans la suite il eût lieu d'être plus content d'elle qu'il n'avait eu depuis quelque temps, non seulement sur ce qui regardait ce qui s'était passé à l'égard du mariage de monsieur le duc de Chartres, mais sur d'autres choses encore plus intéressantes dont il n'avait pas voulu parler. On remarque d'emblée que les excès de madame lors de l'annonce du mariage de son fils sont restés donc un motif de grief sérieux pour le roi même 9 ans après. Entendant ses reproches, Madame, je cite, se récrie, proteste et enfile des plaintes et des justifications. Il faut noter qu'enfiler est évidemment ironique et indique l'absence d'architecture du langage de la princesse Palatine, qui juxtapose les phrases et les idées, loin des canons d'une conversation brillante. Mais Madame est à ce moment-là persuadée de n'avoir rien fait qui puisse déplaire au roi, du moins en public. Madame de Maintenon, que Saint-Simon dépeint comme, je cite, une incroyable fée, une enchanteresse, a plus d'un tour dans son sac. Elle provoque un coup de théâtre et tire, je cite, de sa poche une lettre écrite de la main de Madame à sa tante la duchesse de Hanovre, où elle s'égare à juger le monarque absolu en s'interrogeant sur la nature du commerce qu'il entretient avec Madame de Maintenon. Mariage ou concubinage, se demande-t-elle. Puis, comme on tombe, là encore, de Caribe en Scylla, après s'être penchée sur les affaires, je cite, du dedans, elle tombe, précise Saint-Simon, sur les affaires du dehors et ajoute le mémorialiste, elle, je cite, s'étend sur la misère du royaume qu'elle disait ne s'en pouvoir relever. Se laisser aller ainsi à des critiques ouvertes sur le monarque, tant dans la sphère publique que dans la sphère privée, relève d'un nouveau délit de lèse-majesté. Louis XIV, panoptique, attentif aux secrets de ses sujets, ne manque pas de faire contrôler tous les recoins de papier sur lesquels son entourage pourrait se laisser aller à s'exprimer librement à son propos. Et Saint-Simon indique, quant à cette lettre, je cite, « La poste l'avait ouverte, comme elle les ouvrait, et les ouvre encore presque toutes. » De fait, dans l'espace épistolaire, le roi devient un sujet, une matière façonnée, ordonnée et jugée selon la mode de l'épistolière, ce qui opère dans l'espace privé de la lettre un renversement de l'ordre établi de la sphère publique. Ceci souligne à quel point la notion d'égarement s'origine dans le pouvoir absolu en ce qu'il affecte le mode d'expression des passions privées. Cependant, au plaisir des excès de plume succède le plus profond embarras lorsqu'elle se trouve compromise devant le regard de la deuxième tête de l'hydre. La voilà, je cite, à pleurer et Madame de Maintenon à lui représenter modestement l'énormité de toutes les parties de cette lettre et en pays étranger. Opposée à la maîtrise totale du langage de Madame de Maintenon, les débordements émotionnels de Madame paraissent d'autant plus ridicules et enfantins que la marquise rappelle la princesse à la raison, s'offre le plaisir de lui faire la leçon et la tense comme une maîtresse gronderait sa pupille indisciplinée. Saint-Simon met bien en évidence les attitudes fondamentalement opposées des deux femmes lorsqu'il place côte à côte l'adverbe modestement et le substantif énormité. Cette façon d'outrepasser les règles du bien dire et du bien penser éclate dans cette antithèse qui souligne le geste d'hubris de la duchesse d'Orléans. Et l'épisode juxtapose ici l'écart et la dorme. Il semble d'ailleurs qu'on puisse rapprocher cet épisode de l'agone d'une comédie qui met aux prises le raisonnement fort et le raisonnement faible. J'ai presque terminé. Donc, Madame de Maintenon n'a pas encore donné son dernier coup de patte et la suite de l'épisode est relatée par le mémorialiste, montre la presque reine se livrer avec une certaine délectation au jeu du chat et de la souris avec Madame. Quand tout cela fut épuisé, Madame de Maintenon la supplia de trouver bon qu'après s'être acquittée de la commission que le roi lui avait donnée, elle put aussi lui dire un mot d'elle-même et lui faire ses plaintes de ce que, après l'honneur qu'elle lui avait fait autrefois de vouloir bien désirer son amitié et de lui jurer la sienne, elle avait entièrement changé depuis plusieurs années. Madame crut avoir beau champ. Elle répondit que c'était à elle à se plaindre du changement de Madame de Maintenon, qui tout d'un coup l'avait laissée et abandonnée et forcée de l'abandonner à la fin aussi. La deuxième salve de Madame de Maintenon est savamment orchestrée. Tel maître mitis de la fable blanchit sa robe et s'enfarine le visage, elle avance masquée, égare les soupçons de la palatine et ne formule pas d'emblée ses reproches. Elle adopte une attitude d'humilité et se plie ainsi à la règle d'effacement du moi imposée par les convenances. De plus, elle cache la double supériorité de sa position. Elle est la presque reine et a en sa possession tous les éléments pour compromettre Madame une seconde fois. Il faut bien reconnaître ici que Madame Palatine fait preuve d'une certaine naïveté qu'elle va se précipiter dans le piège tendu par sa rivale. Donc pour Madame de Maintenon, le plaisir est à son comble. À cette seconde reprise, Madame de Maintenon se donna le plaisir de la laisser enfiler, comme à l'autre, les plaintes et de plus les regrets et les reproches. Après quoi elle avoua à Madame qu'il était vrai que c'était elle qui, la première, s'était retirée d'elle, et par ce propos, fit redoubler les plaintes de Madame et son empressement de savoir quelles pouvaient être ses raisons. Madame de Maintenon lui révèle alors à ce moment-là à la dauphine que, révèle alors à Madame de Maintenon que la dauphine morte depuis 10 ans, finalement, lui a secrètement confié toutes les choses les plus offensantes les unes que les autres que les deux princesses échangeaient sur elle, mais que Marie-Anne de Bavière lui rapportait mot pour mot. Dans ce labyrinthe des passions que constitue Versailles, Madame s'est égarée en livrant sa rancune à celle qu'elle croyait digne de confiance. Madame de Maintenon, armée dans une... Excusez-moi. Madame de Maintenon, contrairement à elle, a toujours pratiqué une assesse de la parole qui relève d'une conduite armée dans une cour où, comme elle le rappelle dans une lettre, il faut se servir d'une maxime de Plutarque un peu dure à la vérité, mais nécessaire, qui est de vivre avec tout ce que vous voyez sur le pied qu'ils seront vos ennemis. Cette maxime se vérifie ici aux dépens de la princesse Palatine lorsqu'elle se rend compte qu'elle est entièrement découverte. Saint-Simon écrit qu'elle est littéralement étonnée. À ce second coup de foudre, Madame demeura comme une statue. Il y eut quelques moments de silence. Madame de Ventadour fit son même personnage pour laisser reprendre les esprits à Madame, qui ne sut faire que comme l'autre fois, c'est-à-dire qu'elle pleura, cria et pour fin demanda pardon, avoua, puis repentir et supplications. Madame de Maintenon triompha froidement d'elle assez longtemps, la laissant s'engouer de parler, de pleurer et lui prendre les mains. C'était une terrible humiliation pour une si rogue et si fière allemande. La foudre de Jupiter se voit ici attribuée à son épouse, qui frappe Madame de stupeur. Madame de Maintenon, tour à tour enchanteresse et chef d'orchestre, pétrifie la bavarde et arrête brutalement son lamento en suscitant des moments de silence au sein de la litanie des pleurs. Mais la nature sauvage de Madame, qui désigne selon Furtière une personne qui ne se laisse pas facilement apprivoiser, enfle à l'intérieur du cœur de la Palatine, qui, telle la grenouille de la fable, finit par crever en débordements émotionnels débridés. Le récit de Saint-Simon montre bien que le caractère de Madame n'a pas cédé à la dénaturation induite par la vie de cour, et Madame de Maintenon, qui le sait bien, ne se prive pas d'en jouer. Mais elle n'est pas la seule à souffrir une petite vengeance à l'égard de Madame. Sans altérer les faits, c'est Saint-Simon qui invente le rythme de cette rencontre pour en faire le récit d'une vengeance exemplaire. Il a en effet quelques griefs à l'encontre de Madame Palatine, dont il a éprouvé la roguerie à la table du roi. Alors qu'il veut se placer devant le prince de Deux Ponts, la duchesse d'Orléans, qui révèle l'usurpation, l'en empêche. Le camouflet a dû être brutal pour le duc si pointilleux en matière d'étiquette, et le récit de la défaite de la Palatine humiliée opère une compensation qui permet à l'auteur d'humilier à son tour la fière allemande et lui offre une véritable jubilation. La fonction de ce récit et des égarements de langage apparaît donc comme multiple. Ils permettent de divertir au sens pascalien du terme le mémorialiste, avide d'émotions fortes et curieux des réalités humaines, ainsi que l'affirme Yves Coiron. Et ce faisant, les mailles du texte saint-simonien dessinent les motifs des passions de son auteur, le désir de vengeance, compensation faite d'encre noire face à une réalité décevante ou brutale, mais aussi son désir de connaissance, affirmé dès l'ouverture des mémoires. Désir qui se manifeste dans la volonté de faire éclater l'écorce des apparences de l'histoire. Nous le voyons, la fureur des passions des autres est pour Saint-Simon une véritable nourriture de sa propre fureur poétique. Merci à Pine. Alors, nous sommes contraints, merci infiniment à Madame Bonnefoy, nous sommes contraints à des mesures strictes, étant donné le retard que nous avons pris du fait des circonstances d'aujourd'hui. Alors, tout d'abord, toutes les questions, je pense que nous aurons des questions, je vous propose que nous les remettions non pas à tout à l'heure, mais à cet après-midi, en début de séance de l'après-midi. D'autre part, notre pause est hélas réduite et je vous propose, avec d'accord, M. Davigna, de ne faire une pause que de 15 minutes. Je crois qu'il est raisonnable de faire une pause. Il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Donc, rendez-vous dans 15 minutes et nous entendrons M. Harrison. Le texte des cartes. La version merveilleuse. Je relis ça avec un égal. La version auprès des étudiants, ça marche très bien. La version saisissante. Saisissante. Oui, j'avais. Je n'en doute pas. Dans ma bibliothèque.